Paré comme ouvert en Arabie, paré comme ouvert là par les dents, paré comme ouvert en Arabie, des milliers tapis volants. Paré comme ouvert en Arabie, paré comme ouvert là par les dents, paré comme ouvert ça vous plaira, des milliers tapis volants. Paré du don Galibaba. Belle perdue, de plus fort et de bon, bon. Paré comme ouvert en Arabie, paré comme ouvert là par les dents, paré comme ouvert en Arabie, des billets tapis volants. Vous pouvez pour la bonne heure permettre des bons pour partir, pas de Paris, prenons plutôt le tapis volant. Montons donc à bord et voyez donc où l'aventure là nous la nous portera. Pour être peut-être terre en bas, très près d'y aller, on n'en doute pas. Pourtant on est près des pâtes et tout pactat, y'a pas, pour y'a pas, pour y'a pas, pour y'a pas. Pourrait-on pas trouver tous les pots d'Alibaba, tout pourrait dorer, l'eau pourrait parader autour devant tout Paris. La des bédouins, la des bédouins, des tas de bédouins, la des bédouins, voilà des tas, on montant le pas. Qu'elle a pour va guider nos pas. Partout, partout dans le bled, et voilà pourquoi partout il y a des poteaux rapido quand on prend un pas. Pour rien à faire, y'a plus rien là, partons dans plus loin. Tant d'abord, de porter dans nos pas pour Kmera. Pour nous, y'a plus, quel beau coup de main qu'a dérobé la lampe d'Aladin. Tant qu'on pourra, tantôt, partout, trouver le palais d'Aladin. Partons par mes deux barbares. Débutons donc par abattrer, on trouvera. Peine perdue, pas plus de palais que de monde. Prétendez-vous qu'on perd tout notre temps. Tiens, barbare, t'as bâti un bon bateau. Partez pour tout voir en Arabie. Tout apparaîtra. Par-delà le temps, j'ai pas tort. Tant qu'on ne pourra pas vouloir abandonner nos pauvres pots datés, faut pas tenter de trouver la porte d'entrée d'un bonheur d'antan. Moralité, c'est...